Trois séquences sonores sur l'ensemble de l'allée de la colline. Première séquence, AC1, 8 minutes tentant de restituer le climat sonore de la galerie. L'allée de la colline traverse un ensemble d'immeubles qui est l'œuvre de Paul Chemetov et qui fait partie du quartier 2 de la ville 9 de Grenoble. Cet ensemble immobilier, pour une part locatif et pour une part en copropriété, jouit d'une situation sonore enviable. Aucun véhicule, hormis ceux du service public, n'y passe dans un rayon de 400 mètres. À quoi il faut ajouter le voisinage immédiat d'un parc de 15 hectares qui jouxte les bâtiments au nord et à l'ouest. Le gage de cet environnement et des qualités sonores induites par le matériau et les formes de l'architecture et de l'aménagement présente un cas d'espace sonore remarquable, en sans doute représentatif d'un type d'habitat assez nouveau. L'habitat collectif vertical, inséré dans un aménagement piétonnier. La Villeneuve a beaucoup changé au fil des décennies. L'architecture est restée sensiblement la même, mais qu'en est-il des sons qui y résonnent? Dans ces mêmes coordonnées, je parcours les galeries, si caractéristiques de ce milieu, me demandant si l'âge, la langue et les modes de déplacement des habitants sont différents. Je suis ici pour la première fois. Rien ne m'est familier. Rien n'est quotidien. Je n'ai pas de mémoire ici. Les seuls repères proviennent des autres lieux. Mes sens s'aiguisent pour appréhender des milieux. C'est l'adaptation, la curiosité, l'apprentissage, l'analyse. Les habitants de la Villeneuve ne prêtent peut-être plus attention aux échos des galeries ni au croassement des corneilles. La connaissance d'un lieu est sensoriellement située. Qu'est-ce que tu écoutes? Comment est-ce que tu écoutes?